pardonnez-moi, pardonnez à mon pauvre dos. Je suis encore tout étourdi, je suis encore tout ahuri. Excusez-moi, demandez-moi, pardonnez à mon bavardage. J'en suis à mon premier tirage. Je reviens de chez Madame de Thèbes. Dans ma vie, il y a un homme brun qui m'épousera, je serai célèbre, j'aurai mon nom dans le potin. Une femme noire me cherchera des noises, mais il paraît que ça ne fait rien. C'est une femme mariée, une bourgeoise, mais tout ça finira très bien. Dans mon jeu, il y a des tas de piques, il paraît que c'est des tas d'argent. Je serai quelque chose dans la République. Qui sait, la femme du président. N'est-ce pas que c'est à n'y pas croire? N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est fou? Et pour m'apprendre toutes ces histoires, on ne m'a pris que 40 sous. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je suis encore tout étourdie, tout ahurie, tout engourdie. Excusez un moment, dis-moi, pardonnez à mon pauvre dos. Je suis encore tout ahurie, je suis encore tout étourdie. Excusez un moment, dis-moi, pardonnez à mon bavardage. J'en suis à mon premier tirage. Pendant que ce voyou de Périclès roule des yeux blancs à cet effronté d'Aspasie, que fait donc Madame Phidias? Oh, en croirais-je mes yeux? Ma femme est en train de se mettre toute nue, oui, oui, toute nue, devant la statue de Pallas Athénée. Mais ma parole, elle adresse une prière à la déesse de la beauté.